Veux-tu nous dire ce qu'est, selon toi, le pire esprit? Le pire esprit, c'est magnétique, ça. C'est lié à votre expérience, dans le sens que ça peut être lié aussi à votre subjectivité, mais c'est quelque chose qui vous protège du réel en lui-même. C'est-à-dire, si l'être humain accédait d'une façon là, totale, directe, à toutes les réalités, il deviendrait fou, puis il n'arriverait pas à fonctionner. Il n'y arriverait pas, il serait un être totalement dysfonctionnel. Parce que, donc, si on pourrait voir ça comme une forme de filtre, entre autres, puis un filtre qui se constitue par de la mémoire expérimentale, entre autres, mais il reste que, comme vous savez, là, par exemple, l'astral au niveau psychomagnétique, il y a de l'information qui s'enregistre dans ce qu'on pourrait appeler de la mémoire collective sur la planète. Si vous voulez, c'est écrit dans le ciel, si vous voulez. Donc, ça, c'est une couche électromagnétique, un peu comme un ruban d'une cassette. L'astral, c'est pas le pire esprit, mais c'est enregistré dans le pire esprit planétaire. Donc, un pire esprit d'un individu à ce niveau-là, de la façon dont je le parle, c'est le même phénomène, mais au niveau d'une personne. C'est aussi simple que ça. Pas le voir comme ça a été décrit là, par des occultistes, puis parce qu'au niveau de la façon dont ça nous a été transmis, entre autres par Bernard puis d'autres, on a été plus loin un petit peu. Le phénomène est plus concret encore, comme par exemple vos complexes, vos conflits, puis c'est tout enregistré dans le pire esprit. C'est une des parties les plus denses de l'âme, si vous voulez. Puis ça, c'est capable de bloquer le contact carrément avec l'esprit ou le double. Ça devient comme une coque à un moment donné, comme quelqu'un qui a vécu énormément de traumatismes, qui a vécu trop de mémoires traumatiques, il va avoir un potentiel qui se réalisera pas tout simplement parce qu'il y a une couche de densité qui empêche certains potentiels de se réaliser. Puis ça peut être tout un peuple qui est comme ça. Ça peut être tout un peuple qui est comme ça. Un peu comme au Brésil, qui est un pays qui est dans de la criminalité beaucoup, puis, mais oui, mais il y a un pire esprit lié au spiritisme et au catholicisme qui est tellement subjectif puis émotif que ce peuple-là n'a pas le choix d'être dans une certaine pauvreté. Il n'a pas le choix. Comme au Mexique, tout l'aspect magico, c'est pas bien bon, là. C'est sûr que les cartels sont pas loin. C'est sûr qu'il y a de la magie noire de liée au cartel, puis voyons. Ça fait partie de ces lois-là, de ces phénomènes-là. C'est un petit peu, on tombe dans des choses pas drôles.